au-delà. C'est le cœur qui parle. Ouais, juste comme ça, parce qu'on a tous nos émotions. Ouais. Ouais, surfing. Toi-même tu le sais. Il est tard, le son est tard, l'amour se barre. Elle me regarde, elle se tape, débarque. Que veux-tu, tu connais quand ça te dévisage, tu regardes. L'amour c'est pas simple, c'est pas qu'un quai de gare. Partir ou dire passionnément que tout ça me gave. Les femmes que c'est grave, compliqué, elles le savent. T'inquiètes-tu pas gay, pas que je sois pas gay. Des fois ma vie était ce navire sans pagaille. La bagaille, tu vois. L'amour tout long, le connu, l'a connu. La chanson tu la connais, le thème d'Aro connu. Je vais pas te dire que je le cherche plus, mais j'y crois plus. T'as vu ce qu'écrit ma plume, c'est que je suis perdu. Mais je retrouve mon chemin, prends ma vie en main. Sourire à la vie, c'est pouvoir apprécier ses envies. Je vis et je kiffe ça, même si les femmes sont plus les mêmes. Je préfère attendre pour redire je t'aime. Au-delà des peines, des choix de nos rancœurs qu'on a tous dans le cœur qui nous font peur. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son. Au-delà de l'amour, de ses sentiments, je décide d'aller au-delà, vivant simplement. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son. On a tous eu nos émotions et même nos pleurs, nos peurs. Ne me dis pas qu'un homme ne pleure. L'amour n'est qu'un bien qui fait du mal. Retiens, si ce que je te dis peut te faire du mal, c'est pour ton bien. Au-delà de tes futilités, vois la réalité. Tu meurs de chagrin quand ça meurt de pauvreté. Oui, l'amour reste un luxe, la société te le montre. L'amour se consume, se consomme dans notre monde. Amour platonique, loin d'être pharaonique. Sans stéréotype ni sentiment, on snic. Tu sais, l'amour n'a plus ce côté très mythique. Désormais, les rancards se font par le site mythique. Ni l'homme ni la femme remplacera l'autre. Tous des défauts, on n'est pas des apôtres. Je vais dire, dans la vie d'un homme, y'a qu'un amour. Celui qu'on donne pour notre mère chaque jour. Au-delà des peines, des choix de nos rancœurs qu'on a tous dans le cœur qui nous font peur. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son. Au-delà de l'amour, de ses sentiments, je décide d'aller au-delà, vivant simplement. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son. L'amour véritable n'est qu'un blasphème. Le problème, c'est le sens du mot je t'aime. Constat d'échec, les femmes veulent des chèques. Être chic à tout prix pour tout leur mec. Tu vois, tant mieux si t'es belle avec ton ticket de bus. Mais quand je lis ton cerveau, c'est comme un prospectus. J'écris ces versets pour que tu vois différemment. Ça va envers celles qui croient trop prince charmant. Sache que les femmes sont aussi infidèles. Bah oui, sinon tous les hommes seraient fidèles. Au-delà des peines, des choix de nos rancœurs qu'on a tous dans le cœur qui nous font peur. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son. Au-delà de l'amour, de ses sentiments, je décide d'aller au-delà, vivant simplement. Surmonter ces émotions et puis les remises en question. Allez, passons, retiens juste ce son.